notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cesse de te plaindre concernant ta famille. Tu te plains trop, mon frère. Oh, ma famille est pauvre. Il y a trop de sorciers. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu naisses dans cette famille. C'est pour que les choses changent à partir de toi. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a positionné dans cette famille afin que tu sois une lumière. Et à partir de toi, à partir de Christ qui est en toi, à partir de la transformation, de ton témoignage, les autres reconnaîtront qu'il y a un Dieu qui est puissant. Oui, lève-toi dans la prière. Tu seras comme un Joseph de la famille. À partir de toi, tu relèveras cette famille. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous voulons passer une demi-heure dans la prière. Nous allons lire Néhémie chapitre 10, 1 à 39. Lisons donc Néhémie chapitre 10, 1 à 39. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémie, le gouverneur fils de Hakalia, Sédécias, Seraja, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkija, Atouche, Shebania, Maluk, Harim, Meremoth, Abdias, Daniel, Guineton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamen, Mazia, Bilgaï, Shemaeja, sacrificateur, Lévite, Josué, fille d'Azania, Binui, des fils de Enadad, Kadmiel, et leurs frères, Shebania, Odija, Kelita, Pelaja, Anam, Miché, Rehob, Ashabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Odija, Bani, Beninou, chef du peuple, Péréoche, Pakat, Moab, Elam, Zatou, Bani, Buni, Asgad, Bebaï, Adonija, Bivgaï, Aden, Ater, Ezekias, Azur, Odija, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Magpiash, Meshulam, Ezit, Meshezabel, Tzadok, Jadoua, Pelatia, Anan, Anaja, Osée, Anania, Ashub, Aloshek, Pulcha, Shobek, Reum, Ashabna, Maaseja, Ashija, Anan, Maluk, Harim, Baana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. de ne rien acheter les jours du sabbat et les jours de fête. Des peuples du pays qui apportaient à vendre les jours du sabbat des marchandises ou des denrées quelconques et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par année pour les services de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui s'est fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuple au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, et à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits et de tous les arbres du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme, et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les filles de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font les services, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Amen. Il y a trois grandes vérités que nous voulons partager avec vous. Première vérité, apprenons à concrétiser nos alliances par écrit. Quand je parle de l'alliance ici, je parle de tout ce qui est contrat de manière générale. Nous devons apprendre à concrétiser les choses par écrit. Je vais parler à un frère, surtout toi tu es dans le domaine des affaires. Lorsque tu as des partenaires, mon ami, il faut que tu apprennes à mettre les contrats par écrit. Vous voyez, c'est important. Ça montre le sérieux et apprendre à archiver les choses. Comme ça va vous éviter des problèmes. La confiance n'exclut pas les contrôles, même entre nous, dans le milieu chrétien. Nous devons toujours mettre les choses par écrit. Ça, c'est important. Ici, il s'agit d'une alliance de renouvellement, d'attachement à Dieu. Vous voyez, après la reconstruction de la muraille de Jérusalem, Néhémie a dévoilé, il a démantelé, ou il a dénoncé la conduite de certains chefs du peuple, des gens qui se sont mariés à des étrangers, choses qui étaient interdites par la loi de Dieu, les gens qui ont abandonné le culte. Maintenant, le peuple se réengage dans une nouvelle alliance, c'est-à-dire ils renouvellent leur engagement avec le Seigneur. Et pour montrer le sérieux, ils ont mis cela par écrit. Donc quand nous mettons les choses par écrit, ça montre le sérieux. C'est pourquoi même dans nos églises, lorsque nous faisons des réunions, apprenons à mettre par écrit les choses que nous décidons. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des PV. C'est pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui a été décidé et de vérifier sa conformité. C'est important. Il est dit au verset ici, chapitre 10, verset 1. Nous commençons par le verset 38 du chapitre 9. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Cela veut dire qu'il y a toujours la signature. Donc il ne suffit pas seulement d'écrire l'alliance ou bien l'engagement, mais il faut écrire parce que le sceau, il faut signer. Le sceau authentifie l'alliance. Deuxième grande vérité, c'est l'importance d'une vraie repentance ou les signes d'une vraie repentance. Quand on parle de la repentance, il s'agit de la reconnaissance de ses fautes, de ses péchés, qui est suivi par des actes concrets où on dit « je me repens, je change de position ». Beaucoup de gens aujourd'hui confessent les péchés, les mêmes péchés. Je parle à toi, mon frère. Regarde combien de fois, chaque fois tu vois ton pasteur, toujours pour les mêmes choses. Oh, je suis tombé encore dans l'immoralité. J'ai trompé encore ma femme. J'ai trompé encore mon mari. Mais quand est-ce que tu vas abandonner ces choses-là? Tu ne fais que confesser des bouches, mais au fond, un mois après, deux mois après, tu reviens sur les mêmes choses. Soyons quand même sérieux. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu dis que tu te repens, il faut que tu poses des actes qui démontrent que réellement tu te repens. C'est ce qui s'est passé ici avec les enfants d'Israël. Ils sont revenus au Seigneur. Ils ont renouvelé leur alliance avec Dieu. Mais voyons les actes qu'ils ont posés. Il est dit ici, les restes du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers. Vous voyez, on leur a reproché d'épouser des femmes étrangères parce que la loi de Dieu interdisait. D'abord, ils se sont séparés. Je vais parler à quelqu'un. Ça fait combien de temps que tu cohabites avec ce monsieur? Tu dis qu'il est dans ma vie. Tu sais qu'il n'est pas ton mari. Il est même marié légalement avec quelqu'un d'autre. Mais sous prétexte, c'est que c'est lui qui paie ta maison, ma soeur. C'est pourquoi tu vas continuer avec lui? Non! Tu dois apprendre à te séparer. Tu fais semblant, tu viens à l'église, tu prends même la Sainte Cène. Ça ne te gêne pas? Apprends à te séparer. Prends la décision. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins. La Bible dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père Céleste les nourrit. Si tu te sépares de ce monsieur, à cause de Jésus, j'aimerais te dire, ma soeur, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il pourvoira à tes besoins. Parce que c'est à cause de lui. Il y a des gens avec qui on doit se séparer quand on se répand. On dit se séparer du peuple étranger pour suivre la loi de Dieu. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissances et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse. Vous voyez, deuxième élément, ils ont promis, c'est-à-dire ils ont pris la ferme résolution pour dire « ça là, on ne veut plus retourner dans ce péché ». Tu prends la résolution de ne plus retourner aux anciennes pratiques. Troisième vérité, apprenons à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, l'église, les œuvres chrétiennes ont besoin d'un soutien. Lorsque nous abandonnons la maison de Dieu, lorsque nous ne faisons pas notre part en donnant pour soutenir l'œuvre de Dieu, eh bien, le Seigneur est attristé. Mais quand on dit on se répand, on doit aussi régulariser. Je vais parler à quelqu'un. Tu as des engagements que tu as pris pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour donner ta dîme, pour donner des offrandes, pour soutenir même Fréquence Vie. Toi qui bénéficies des OSB, Dieu t'a béni. Tu as eu des voitures, tu as eu des maisons, tu as accouché, tu as voyagé. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais pour la radio? Ça fait combien de fois tu as pris d'engagement dans OSB, en disant que je vais faire telle chose. Quand Dieu t'est béni là, tu ne penses pas à cela. La Bible nous dit au verset 32, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour les servir de la maison de Dieu. Quand on comprend l'importance de l'œuvre de Dieu, on prend une résolution, on dit par an ou bien par mois, moi je vais donner tant pour l'œuvre de Dieu. Il est dit au verset 35, « Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel des prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits de la terre, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, le premier-né de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, le premier-né de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte, de nos offrandes, le fruit de tous les arbres de mou, de l'huile, de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. » Lorsqu'on pense à la maison de Dieu, on pense aux serviteurs que Dieu utilise pour nourrir, pour faire son travail. C'est le sens même de la dîme que Dieu a instituée. Parce que les Lévites, les sacrificateurs qui faisaient l'œuvre de Dieu avaient besoin d'être nourris, avaient des besoins. C'était leur salaire. Apprenons à soutenir des hommes de Dieu, les vrais que Dieu utilise. Quand Dieu te met à cœur de le soutenir, fais quelque chose pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. gloire au Seigneur. Élève la voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Il t'aime, c'est pourquoi il te fait ce reproche-là. Bénissons-les. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Je voudrais vous informer que maintenant, il y a une application Fréquence Vie que vous pouvez télécharger pour les Android. Quand vous allez dans Play Store, hein, vous allez dans Google, vous cherchez Fréquence Vie, vous pouvez télécharger ça et maintenant, vous aurez l'icône de Fréquence Vie. Quand vous appuyez directement, vous pouvez capter Fréquence Vie. Donc, essayez de le faire. Le passage du jour, c'est Néhémie chapitre 10, 1 à 31. Nous venons de voir que nous devons apprendre à concrétiser nos alliances par écrit, nos contrats par écrit. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il puisse t'aider. Peut-être que tu es chef d'entreprise. Peut-être que tu es, je ne sais pas, pasteur. Peut-être que tu es secrétaire. Tu as une responsabilité quelconque. Tu es négligent. Souvent, quand tu prends des engagements, même avec d'autres personnes, tu ne mets pas par écrit. Même quand les gens te demandent l'argent, là, tu as négligé même de leur demander de mettre par écrit. Et puis, ça crée palabre. La personne dit, moi, je ne reconnais pas ça. Prions pour que Dieu nous aide à apprendre à mettre les choses par écrit, à avoir des archives dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Même au niveau de l'Église, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Parce que lorsque tu te lèves, nos ennemis sont dispersés. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Parce que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que tu puisses nous équiper à avoir de bonnes relations avec les autres. À avoir de bonnes relations dans nos activités, en concrétisant toutes choses par la mise par écrit, par la signature des contrats, par l'archivage de tout ce que nous entreprenons. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes la force pour les réaliser. Parce que comme tu l'as dit par la bouche de l'apôtre Paul, tu n'es pas un Dieu de désordre, mais tu es un Dieu de paix. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que tu nous équipes, que tu nous capacites afin que nous puissions avoir ce sens de l'ordre, ce sens de l'organisation, ce sens de la collaboration avec nos proches. Mets auprès de nous, ô Père éternel, des collaborateurs qui pourront nous aider à ces mises en pratique de l'archivage, de la signature des contrats, que ce soit au sein de nos communautés, dans nos entreprises, dans toutes les activités que nous faisons, dans tous les engagements que nous faisons, que tout soit mis par écrit pour éviter la discorde, pour éviter le désordre, pour éviter les désengagements irresponsables dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu nous donnes cette force et tu as dit dans ta parole que l'homme est lié par tout ce qu'il dit. Et cela doit être concrétisé par écrit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir l'important, la vraie repentance. La vraie repentance doit toujours s'accompagner par des actes de repentance. Prions pour que Dieu nous aide à poser des actes dignes de repentance, à nous séparer de tout ce qui est péché et de toute relation qui ne glorifie pas le Seigneur. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir que nous devons apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu, à être fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes, à soutenir les hommes que Dieu utilise pour notre croissance, pour notre édification. Si nous avons été infidèles, demandons pardon à Dieu et demandons-lui l'opportunité de pouvoir le faire au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que les livrets spéciaux OSP Jéricho 2016 sont déjà prêts. Venez acheter votre livret à 500 francs à Fréquence Vie. N'attendez pas la dernière minute. Le jeûne commence ce dimanche 1er mai et va se clôturer le samedi 7 mai à Adjamé. Bonheur conjugal pour les couples mariés, c'est pour ce dimanche l'après-midi à 17h. Thème, la puissance du pardon. L'entrée est libre. Au revoir, c'était OSB, à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.